Bon, de l'impuissance, premièrement, c'est simplement une réflexion que tu as sur toi-même. Quand tu es impuissant là, devant une situation, là, c'est quelque chose que tu évalues par rapport à toi-même. OK? Donc, tu es dans le jeu. Quand tu es avec les forces, tout ce qui est créé, là, regarde dehors, tu vois des petites lumières dehors, là? OK? C'est les forces qui ont créé ça. Ils ont rentré dans le tuyau de quelqu'un, puis ils ont dit, toi, t'es ingénieur. Ils ont dit à un autre, tu nettoies la rue. L'autre, ta. Puis là, ils en ont plugué, là, quelques millions, là, puis ça a fait une ville à travers les années. OK? Toi, dans un instantané, quand tu vis de l'impuissance, c'est que tu n'as pas conscience de l'éternité de l'esprit. Tu es dans la relativité temporelle du corps. Fait que tu te sens corporellement comme étant vulnérable dans un temps donné. Puis tu n'es pas capable d'aller chercher ton toi-même, ses plans, qui, lui, va te faire passer encore à travers 4, 5, 10, 15, peut-être 200 vies encore. Fait que tu n'es pas conscient de l'extraordinaire puissance de ta source. Fait que là, tu es dans une évaluation d'impuissance parce que tu réfléchis impuissant. Tu t'en vas avec eux autres, tu te dis, bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est trop gros pour moi, ça, là. Ils disent, inquiète-toi pas, on va régler ça. On va régler ça. Ils ont des contacts, hein? C'est des contacts. C'est un contact qui a des contacts, hein? Et quel contact? Ton contact à toi, qui est toi ailleurs, il dit à l'autre contact, tu pourrais-tu faire changer pensée de ton demi en bas, là? Puis, s'ils sont capables de faire des villes, puis des pays, puis des ci, puis des ça, ils sont capables de faire bien des affaires. Hein? Okay. Fait que là, tu te sens comme dans une situation d'impuissance parce que tu essaies de tout régler avec ton petit jeu, en pensant que ton petit jeu a la vérité, puis tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Puis, il amplifie cette impression dans la réflexion, il amplifie cette impression de se tromper ou d'avoir raison. Puis, tout à coup, que quand tu te trompes, c'est ça qu'il faut, puis quand tu as raison, c'est ça qu'il faut. Puis que tu n'as rien à faire là-dedans. Tu es simplement un pantin qui est utilisé pour être telle chose à tel moment, puis pas être telle chose à tel moment. Ils te mettent une table d'échec, puis ils te font avancer le pion. Puis c'est déjà prévu qu'il y a ce coup-là, tu vas être un pion qui va se faire rejecter, là, qui va se faire éliminer. Puis que c'est correct, ça fait partie du jeu. Que pour gagner sur l'ensemble collectif, il faut que tu sois tassé. Mais ça ne veut pas dire que tu es inutile. Ça veut dire que tu vas être utile ailleurs ou dans d'autres circonstances, ou tu es tout simplement dans une zone de repos. Tu te fais, ils t'ont mis en mode, on te relaxe, là. Tu vas te reposer, c'est tout. N'oubliez pas, hein, je l'ai déjà dit, on n'est rien. Rien, rien, rien, rien. On est juste des tuyaux qu'il y a de l'énergie qui passe dedans. Notre seul job, c'est d'être des bons tuyaux. Le reste, là... Il peut vous faire vivre des choses extraordinaires, puis quand c'est pas extraordinaire, puis que c'est bien difficile, c'est parce que vous êtes sur le tuning, là. Vous développez de la volonté. En fait, c'est simple. Il vous développe de la volonté ou il vous développe de l'intelligence. Puis l'amour, c'est le petit cadeau qu'il vous donne de temps en temps pour vous montrer que, bon, gars, il fait soleil aujourd'hui. Mais il va quand même pleuvoir dans une semaine. La déception étant la pluie, puis le soleil étant l'amour. Mais ça, c'est indépendant de qu'est-ce que tu fais, ça, là. Moi, je peux pas dire à quelqu'un... Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait 400 personnes qui m'aiment, là, aujourd'hui, à soir. Ça réglerait toute ma vie. 400 personnes ici, à soir, là, ça me règle au moins 6 mois de compte, c'est certain. Ben, j'aimerais ça. Mais on m'aime pas. On m'aime un petit peu. Tu comprends-tu? Oui. Mais ça, c'est pas de mes affaires, ça, qu'on m'aime. Tu comprends-tu? Fait que moi, je m'occupe d'avoir de la volonté, puis je m'occupe d'avoir de l'intelligence. Fait que quand tu m'envoies des tests, mais je deal avec ça. Okay. Ça s'en vient. Je commence à être intelligent. Mais alors, souvent, ils disaient, ah, on n'est pas assez encore intelligent pour faire telle affaire. Puis je comprends ce qu'il veut dire aujourd'hui, parce que intelligence, c'est une question. Tu sais, la volonté, c'est un capital, puis l'intelligence, c'est la direction que tu donnes au capital. Puis quand tu es exposé à beaucoup de gens qui réfléchissent, ben ton capital s'use dans la réflexion, ce qui fait que quand ça arrive au niveau de l'intelligence, ben il reste plus grand-chose à placer. Tu sais, je te mets 100 000 pour jouer à la bourse, puis je te mets 1 000 piastres pour jouer à la bourse, tu n'auras pas le même résultat à la fin du mois, là. Fait que c'est sûr que si tu as plus de ressources, tu peux avoir des mouvements qui ont plus d'impact. Fait que moi, j'ai compris qu'avec les forces, quand t'as pas beaucoup de ressources, c'est parce qu'ils te tournent toi personnellement. Puis que là, ben, tu te laisses tourner parce que le travail il est fait au niveau de quelque chose qui est plus privé, qui est plus intime. Ils peuvent pas aller sur une dynamique collective. C'est impossible. T'as pas assez d'intelligence pour diriger la grosse masse de volonté, là. Regarde, quand on regarde Roche Sauvage ou toutes les expériences qui ont été vécues dans un art, c'est pas les ressources qui manquaient, là. Il y avait de la volonté, mais ça manquait d'intelligence. Puis l'intelligence se reconnaissait de la communication. Il y avait un gros problème de communication dans ces deux projets-là, Zanor et l'autre. Trop de monopolisation de pouvoir, il n'y avait pas assez de délégation, il n'y avait pas assez de confiance dans l'intelligence humaine. Fait que c'est devenu une grosse machine initiatique là, où tout le monde devait vivre une expérience pour faire les prises de conscience. Puis tu sais, moi j'appelle ça l'école. Là. Ça devient une école. Mais quand tu es à l'école, c'est pas payant. À l'école, ça coûte de l'argent pour être médecin, ça coûte 100 000. Ça coûte 100 000 piastres être médecin. Quand tu es à l'école, ça te coûte de l'argent. Tu vas être médecin après tes études, mais tu peux pas être médecin pendant les études. Fait que les gens, quand ils font quelque chose, souvent, ils veulent sauter les études. Ils veulent pas étudier. Puis les forces, eux autres, ben, quand quelqu'un veut pas étudier, ben, ils font étudier dans les pertes. Ils font des pertes, puis ils sont obligés d'étudier. Puis il y a pas de fin aux pertes, là. T'sais, ils mettent dans des conditions de pertes, là, jusqu'à terre qui comprennent. Tu sais, comme les gens qui n'ont pas compris dans Roche Sauvage ou Zénard, la perte a continué dans leur vie après, pour que la même expérience soit comprise éventuellement, en dehors d'accuser quelqu'un de t'avoir fait perdre. Est-ce qu'on comprend ça? Ouais, c'est simple de même. Question? Qu'est-ce qui est la source la plus grande de réflexion? Le mal. T'es déçu? Tu souffres? C'est là que ça réfléchit le plus. Mais tu veux t'acheter un auto? Je vais vous donner un exemple. Acheter un auto, ça s'achète sur le double. Ils disent, t'achètes ça. Ils te le font rencontrer, puis c'est supposé cliquer là, clac. Mais tu t'en vas au salon de l'auto, ça, c'est un salon du mal. Tu t'en vas te mêler bien comme il faut. Si la meilleure affaire pour aller au salon de l'auto, c'est être comme moi, tu n'as pas de char à acheter. Quand tu n'as pas d'auto à acheter, tu vas au salon de l'auto, pas de trop. Mais il y a un salon de la moto, là, dans un mois, astie que je vais aller me faire souffrir, là. Je le sais que je vais souffrir, là. Je le sais, c'est épouvantable. Je vais aller réfléchir avec des statistiques, des comparaisons, des vendeurs qui vont me dire que l'UBC est meilleur que celui du kiosque à côté, puis cliquette. Puis je vais les écouter comme un enfant qui regarde un père qui compte des histoires du Père Noël. Puis je vais dire, puis je le sais, là, hein, tu sais, je le sais, je vous le dis. Je ne mettrai pas ça sur le CD, là, mais je vous le dis. Là, je m'en allais me faire souffrir. Okay. Puis là, je vais être obligé de revenir chez nous, je vais dire, puis, quand est-ce que vous allez me faire changer ma moto? Ils peuvent me dire, c'est ta dernière moto. Celle que j'ai. Puis je vais être obligé de dire OK. Bon, le sujet de la soirée, c'est la réflexion. Tout le monde, un jour ou l'autre, pour ne pas dire depuis le début de votre vie, vous êtes exposé à la réflexion. Et puis, cette atmosphère de réflexion qu'on subit, parce que c'est vraiment subir un mouvement de la pensée dans l'ego, dans le mental. Donc, ce mouvement de pensée qu'on vit à travers le jeu de la réflexion, c'est le produit d'un manque d'identité. C'est quand on n'a pas la capacité d'avoir de masse critique ou de centre de gravité ou de masse critique, ça veut dire être capable de savoir lire et évaluer une situation avec justesse. Donc, quand on est exposé à de la réflexion, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre être qui est pris par une espèce de vide ou de condition qui est neuve ou qui n'a pas... qu'il n'y a pas eu d'assises, qu'il n'y a pas eu de ground, qu'il n'y a pas eu de mise à terre, si vous avez mis en français, pour pouvoir permettre à l'individu de s'activer, de se mettre en action immédiatement. La réflexion, ça précède toujours une décision ou une action. Vous ne pouvez pas réfléchir sur quelque chose que vous êtes sûr que vous ne ferez pas. Quand vous n'avez pas à faire quelque chose, en général, vous pensez, point. T'sais, c'est un flot de pensée, un peu comme écouter un film. Vous écoutez un film, vous ne réfléchissez pas, vous regardez le film. n'y a pas de réflexion dans le processus d'écouter un film. Mais si vous êtes en comparaison, mettons, avec ce que vous voyez dans un film, là, il risque d'y avoir une condition de réflexion, parce que là, vous voulez être interactif avec le film. Vous regardez un film, puis vous pensez à rien, vous faites juste écouter le film, ça va. Vous écoutez un film, puis vous voulez donner votre opinion sur le film, même si c'est dans votre tête, là, c'est pas obligé de le parler à quelqu'un, mais il se passe un processus d'interactivité avec le film que vous regardez, parce que vous voulez avoir une opinion. Là, il se développe une masse critique, mais en se développant une masse critique, il y a aussi une espèce de champ de position qui s'installe entre ce qui se passe, qui est finalement un constat de fait. On regarde un film, on ne peut pas changer le film. Le film est déjà filmé. Il est déjà là, fait qu'il se présente. Et puis, la masse critique qui s'enclenche pour avoir une opinion sur le film, mais ça peut créer une adversité vis-à-vis de ce qu'on voit, ce qu'on constate. Et là, c'est là que rentre en jeu le phénomène de la réflexion. Si vous êtes capable, exemple, d'écouter le film sans avoir d'opinion, pendant, je sais pas, moins une heure et demie, et puis que vous, après ça, vous discutez du film, il va avoir moins de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'adversité avec ce qu'on voit. Donc, la réflexion, c'est quelque chose qui cherche à se placer dans un mode action, un mode d'affirmation, alors que vous avez devant vous quelque chose qui vous oblige d'être un peu comme en input, en absorption. C'est comme si vous avez à absorber un événement sans porter de jugement sur l'événement. Puis là, il n'y a pas de réflexion. Et puis, si le moindrement, il s'enclenche en vous, dans le mental, une volonté de donner une opinion, d'avoir une vision qui est propre à vous, là, à ce moment-là, il peut y avoir adversité. Puis si adversité, il y a un processus de réflexion. C'est comme si la réflexion, dans un sens, c'est une sorte de comparaison à haute vitesse, où on n'a peut-être pas conscience qu'on est adverse, mais il y a un mécanisme en nous qui veut plus absorber et puis qui veut se manifester, qui veut rentrer en output devant un événement ou une situation qu'on subit qui nous oblige à être en input. Fait que vous êtes en input puis vous acceptez d'être en input, ça réfléchit pas, ça constate. OK? Vous êtes en output puis on vous absorbe, il n'y a pas de réflexion. Vous êtes dans un mode ou en étant parfaitement absorbé sans adversité, ben ça ne réfléchit pas. Vous avez une adversité ou une situation qui n'est pas claire, vous avez à donner votre opinion ou à préparer un aspect critique devant la situation qui ne vous rend pas confortable, puis là, le mécanisme de réflexion rentre en jeu. Là, il y a une dynamique qui s'installe, là, vous commencez à spinner. Quand est-ce que la réflexion, elle devient excessivement un sujet de grosse tension pour la personne? C'est quand vous avez peur. En d'autres termes, si ce que vous constatez, qui est dans la lecture de l'événement, affronte trop votre système de valeurs, ou se place, à cause de la vibration, dans un climat d'intensité que votre corps supporte pas, parce que c'est réellement excessif pour vos capacités physiques d'absorber le mouvement de cette impression-là, là, à ce moment-là, il s'enclenche une peur, puis la vibration devient tellement forte que vous voulez la bloquer. Puis là, en voulant la bloquer, vous créez de l'adversité, puis l'adversité que vous créez enclenche la réflexion. Là, vous réfléchissez à qu'est-ce qui doit être fait, puis qu'est-ce qui doit se vivre en output pour neutraliser l'input. Me suivez-vous? Vous avez une input qui rentre trop fort, vous voulez bloquer ça, puis en voulant bloquer ça, vous allez vouloir vous transmettre dans un processus décisionnel qui doit neutraliser le jeu de l'input. Et puis, si vous n'êtes pas capable de passer aux actes, donc si vous n'êtes pas capable de renverser l'input en output, vous réfléchissez. Fait que, dans un sens, dès que vous avez peur, vous êtes paralysé au niveau du processus décisionnel, donc vous êtes inévitablement exposé à de l'input, à absorber, et puis en étant obligé d'absorber quelque chose que vous contrôlez pas, que vous ne contenez pas, parce que le contrôle, finalement, on n'en a pas, mais je veux dire, on peut sentir qu'on contient. Si on ne contient pas l'input, ce qu'on voit, parce que ça a des conséquences qu'on qualifie de négatives dans notre perception, mais là, à ce moment-là, la peur s'installe, puis là, il y a beaucoup de réflexion, puis ça peut revirer à du capotage, là, la folie, là. Ça peut aller jusqu'à l'obsession, puis la folie, là. Une désorganisation complète du mental. Une personne qui capote, là, qui devient carrément déséquilibrée sur le plan mental, c'est un input qui n'est plus capable de recevoir, qui s'accroche dans un système de valeurs ou qui s'accroche dans la réalité d'une destruction de soi-même. On sent qu'on est détruit, là. T'sais, si vous faites attaquer au couteau sur le bord de la rue, vous allez crier, hein, des bonnes chances. Puis si vous criez pas, c'est parce que vous savez faire du karaté, puis vous allez faire des cris comme des kiaïs. Puis vous allez essayer de mettre votre adversaire en compote. Mais là, vous avez déjà un pouvoir décisionnel. Tandis que si vous criez de peur, bien là, c'est l'expression de votre impuissance qui sort, et non pas l'expression d'une autorité sur l'événement ou une puissance sur l'événement. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la réflexion, c'est quelque chose qui se produit, c'est pas quelque chose qu'on veut. T'sais, on respire de l'air, là, puis on ventile nos poumons. C'est un mouvement réflexe, ça, là. Mais ce mouvement réflexe-là, le phénomène de la réflexion, c'est la même chose. C'est comme, je vais te donner une claque dans le visage, tu vas mettre ta main pour te protéger. Ça se fait instinctivement, parce que tu as besoin de te protéger. Mais la réflexion, c'est comme un mécanisme de protection contre un input, contre quelque chose qu'on absorbe qui est exagéré, qui est excessif. Ça va? Comment on fait pour comprendre la réflexion quand on la vit? OK? Parce que c'est bien beau dire on subit la réflexion, mais moi, je sais bien que si j'allais subir une opération à ciel ouvert, comme je m'étais déjà fait opérer dans un doigt, là, et puis la personne, elle me découpait ça, bien... Je pouvais comprendre ce que je sentais, je pouvais comprendre qu'est-ce qui se passait, je pouvais comprendre. Donc, ça faisait mal pareil, je subissais une situation, j'avais pas le choix, mais j'étais quand même dans un process où j'étais capable de dire « je comprends ce qui se passe ». Donc, vous pouvez très bien subir une condition qui est entre guillemets « souffrante » et puis savoir qu'est-ce qui se passe. Puis pour savoir ce qui se passe quand on réfléchit, je vais vous donner la recette. Vous aimez ça, des recettes? Je vais vous en donner une bonne. Il faut que vous étudiez vos pensées. Tout ce qui se passe, qui vous met dans un processus de réflexion, c'est une adversité entre un événement qu'on ne contient pas et puis une pensée qu'on voudrait contrôler pour neutraliser ce qu'on absorbe. OK? Donc, si vous étudiez votre pensée, vous allez voir qu'est-ce qui fait l'amplification, puis vous allez voir que l'amplification est toujours basée sur l'affrontement d'un système de valeurs contre un autre. Il y a un système de valeurs qui est adverse au vôtre. Vous vous faites polariser. Le système de valeurs qui est adverse à vous, qui avez un autre système de valeurs dans votre éducation, dans votre mémoire, dans votre culture, il s'amplifie proportionnellement à son obligation à s'exécuter. Okay? Quand une balle est partie d'un gun, là, tu peux pas l'arrêter à 3 pouces du canon, à moins qu'elle frappe un mur. Okay? Ça veut dire qu'il y a des mouvements qui sont mis en mouvement, c'est le cas de le dire, là. Il y a des mouvements, il y a des actions, il y a des décisions qui sont enclenchées, puis ça s'arrête quand ça a atteint son but ou son obstacle. Si vous avez un problème d'amplification avec l'adversité, c'est que vous seul n'êtes pas capable d'arrêter l'action qui est en cours. Vous êtes pris d'une avalanche, là. Il y a l'avalanche qui s'en vient. Tu dis, moi, je vais l'arrêter. À moins d'être le Fantastic Four, avec des pouvoirs surnaturels de faire arrêter ce que vous voulez, si vous êtes un être humain, tout ce qui est de plus standard, qui est sorti d'une ligne de montage tout à fait humaine, et non pas extraterrestre, vous mettez devant la... les millions de tonnes de neige qui vous descendent dans le visage, je dis, bon, moi, je vais arrêter ça. Quand ça va me frapper, là, ça va arrêter. Vous risquez de vivre de la réflexion. Parce que le mouvement qui est enclenché, qui s'en vient vers vous, va être obligé de vous faire voir qu'il faut que vous faisiez quelque chose pour ne pas mourir. Qui est un système de valeur qui se défend bien quand même. Hein? Pas vouloir mourir, ça se défend bien. Je trouve que... on appelle ça la survie. Donc, quand vous êtes exposé à un système de valeurs qui vous expose à un obstacle plus grand que vous, si vous êtes seul et que vous n'avez pas la contenance pour ce type d'événement-là, pour arrêter la réflexion, il faut que vous trouviez un mouvement d'amplification qui est proportionnel. Bon, je vous donne un exemple. L'impôt me demanderait 45 000 demain matin. 40, ça, inquiétez-vous pas, c'est pas vrai, là. Mais elle me demanderait ça. Tout seul, je suis pas capable de régler ça. mais avec une banque, oui. Je vais voir la banque. La banque a dit, pas de problème, on va te signer un billet de 45 000, puis tu nous régleras ça dans tes trois prochaines vies. OK? Je viens de régler mon problème, je ne réfléchis plus, j'ai plus de tension. Zéro réflexion, j'ai neutralisé l'adversité. Mais tout seul, je suis pas capable. Il me faut quelque chose d'assez fort pour neutraliser quelque chose qui est plus fort que moi. Vous me suivez? Il y a beaucoup de gens parmi vous qui réfléchissent beaucoup parce que vous pensez toujours que vous êtes capable tout seul. Beaucoup de gens parmi vous ne sont pas capables de régler quelque chose qu'ils ne contiennent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de régler ça tout seul. On répète encore? Non, c'est pas nécessaire. Donc, ce qui est bien important à comprendre, c'est que la pensée que vous avez est supportée par un système de valeurs qui est évidemment de l'âme, c'est de l'ego, ça va de soi. Et puis, pour faire face à l'obstacle, tout ce que vous avez, je parle au niveau de la pensée, c'est votre mémoire. Si vous n'avez pas le contact, là, OK? En d'autres termes, vous mettez ça bien, bien graphique. Si vous n'êtes pas sur Internet, vous avez juste ce qu'il y a dans votre disque dur dans votre computer. Fait que si votre disque dur dans le computer n'a pas l'outil qu'il faut pour faire face au problème, ben, il va avoir un virus, il va avoir ci, il va avoir ça, puis vous allez être bloqué. Si vous avez accès à Internet, ben, vous pouvez aller chercher de l'aide ailleurs. Puis là, à l'extérieur, on peut vous emmener le support qu'il faut pour faire face à ce qui crée une adversité dans votre structure mentale, émotionnelle, physique, matérielle, sociale, financière, etc., etc. Donc, on pense pas parce qu'on veut penser, ça vous le savez, mais les pensées qu'on a sont supportées par deux sources possibles. Votre mémoire, donc l'âme, donc la culture, donc tout ce que vous avez absorbé comme expérience passée. Il y a dans vos mémoires personnelles des mémoires qui vous donnent une ligne de force. Puis il y a des mémoires que vous avez à cause du fait que vous avez échoué dans la réalisation du combat avec une certaine adversité, donc avec un certain obstacle, bien, vous avez des mémoires négatives. Donc, vous avez des mémoires d'échec. Donc, vous avez des mémoires d'une impuissance quelconque. J'expliquais à un de mes chums avec qui je fais de la bouche, j'ai dit, c'est bien important, mon Gilles, que tu trouves les lignes de force. Si ton ego veut 2 piastres de gain, mais ton système nerveux contient 25 cents de gain, c'est 25 cents de gain, il faut que tu te concentres. Concentre-toi pas sur le 2 piastres que tu auras peut-être à l'occasion, mais que pour attendre, tu vas te brûler les nerfs. C'est ta santé que tu mets au bat. Fait que vas-y pour 25 cents, vas-y pas pour 2 piastres. Ouais, mais on fera pas d'argent. Laisse faire. Tu vas en perdre à vouloir atteindre 2 piastres que tu n'es pas capable parce que tu vas paniquer en quelque part. Puis plus tu vas être longtemps dans le marché, plus tu vas paniquer vite parce que c'est tes nerfs qui sont usés, là. Tu te fais user des nerfs au bout de 3 semaines, t'as plus de nerfs, là. C'est plus une affaire de « ouais, je sais, non, tu sais rien. Tu sais ce que tu es capable de contenir. Le reste, c'est juste de la connaissance. Ça va pas de la merde, ça. Fait que la pensée, elle te brûle. Ça te brûle d'être dans une ligne adverse. Ça te brûle d'être dans « je pense que ça va monter quand tu es à l'envers ». Tu sais, le marché baisse, puis toi, tu te dis « je pense que ça va monter ». Ça, c'est une pensée adverse. T'es adverse à ce que la réalité fait. Tu sais, l'avalanche, elle descend. Puis toi, tu veux monter. Fait que t'es en conflit, là, entre la réalité immédiate puis ce que tu vises à vivre pour ta personne. Fait que tu vas réfléchir beaucoup. Puis cette réflexion-là, elle va t'user comme une meule de ciment, là, une meule là, sur n'importe quel produit là, qui est plus fragile que du ciment. Fait que vous êtes meulé par vos pensées. Vous êtes brûlé. Vous êtes fatigué par vos pensées. Vous êtes en colère. Vous êtes obligé de mettre une énergie, une électricité monumentale pour vous sortir d'une situation. Vous allez être fatigué après l'expérience. Pourquoi? Parce que ça peut pas faire autrement que vous mettre à terre de la pensée adverse. C'est l'adversité dans votre vie. Vous êtes malade, elle était malade, c'est de l'adversité. Chris, ça brûle, ça. Tu es obligé d'avoir l'aide d'un hôpital au complet, Carlis, pour te sortir du trou. Tu es obligé d'avoir des amis qui sont là et qui te tiennent la main. Tu es obligé d'avoir bien des affaires quand tu es sous choc et tu es 7 heures en pleine face devant l'hôpital. Steve, faut-tu le faire, Chris? Malgré que c'était un bon contact, hein, que tu allais faire affaire pareil. Fait que c'est sûr qu'une personne qui est exposée à des situations de crise extrême, la crise, elle se règle si tu es capable de résoudre le problème d'adversité. Sinon, si tu ne résous pas ça, c'est la réflexion qui va t'achever. Tu vas avoir l'événement qui va te battre, sans que tu penses. Puis en plus, après, tu vas avoir la réflexion qui va te miner les nerfs pour achever le travail. Bon. Évidemment, la solution ultime, c'est le contact. Le contact te dit, c'est ça. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Tu composes ou tu t'adaptes avec l'adversité. C'est-à-dire que si l'événement est négatif, ben, tu composes avec plutôt que de te battre avec. Mais ça, c'est pour les gens pluggés, ça. Comme les gens qui vont écouter la conférence puis ceux qui vont écouter le CD ne sont pas pluggés, on est obligé de dealer avec ce que vous êtes, c'est-à-dire des pensées d'âme, des pensées qui sont liées à votre mémoire, des pensées qui sont liées à votre culture. Et conséquemment, évidemment, c'est l'outil des pauvres. Tu sais, on peut scier avec une scie normale, une scie à main, puis on peut scier avec une scie électrique. La scie à main, c'est l'ego puis c'est l'âme. La scie électrique, c'est le double. Vous avez le contact, vous avez une scie électrique dans les mains. Fait que ça va bien plus vite. Mais vous n'avez pas ça. Donc, on ne dira pas que vous l'avez, vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas capable d'agir sur une pensée qui vient de la source ou qui vient du contact. Vous avez même de la misère à savoir laquelle qui vient du double puis laquelle qui vient de l'astral. Fait qu'on ne parlera pas de ça. On va parler des gens qui sont pris avec la grosse réflexion crasse. Puis dire, bon, ben comment qu'on peut, avec une scie à main, couper avec les problèmes qu'on a? Bon, c'est là que ça commence. En souhaitant qu'un jour, évidemment, vous ayez le contact, puis ça se règle instantanément. Si vous êtes pris à penser, puis que vous pensez en jeu, si vous pensez en jeu, ça veut dire que vous avez une croyance dans tout ce que vous êtes. Vous avez une croyance comme quoi votre existence... Elle est, je dirais, liée à un certain libre-arbitre. Donc, vous pensez que vous êtes libre. Vous pensez surtout que vous avez des choix à faire. OK? Quand vous êtes pris dans une réflexion, puis que ça devient souffrant, là, il arrive un stage là, que réfléchir, là, tu sais, tu cherches une solution, puis la solution vient pas, parce que tu peux pas en avoir vraiment de solution, parce que tu es à contenir tout seul la situation. Quelque chose qui demande d'être 10 ou qui demande un gros canon pour régler le problème de la réflexion, tu n'es pas capable d'aller le chercher, ou tu veux pas aller le chercher parce que tu veux vraiment régler ça tout seul. Puis c'est impossible de le régler tout seul. Bon, on part du fait que vous êtes dans le jeu, vous êtes fourré avec une réflexion sur votre job, sur votre survie plus tard, puis sur votre, sur vos relations affectives, couple. Bon, mettons qu'on a couvert ces trois-là, ou on a couvert ces trois-là. Vous avez une croyance dans votre expérience. Votre expérience, votre mémoire vous dit, selon ce qui s'est passé dans le temps, c'est comme ça que ça se passe. Fait que vous croyez à ça. Puis vous avez dit, oui, mais j'ai des preuves. Ouais, t'as des preuves. On y va pour les preuves. Fait que t'as une croyance parce que t'as des preuves. Ta mémoire t'a dit, il se passe ça de telle façon. Il n'y a pas de place à la nouveauté, évidemment, parce que ce que t'as vécu, c'est la vie, hein? T'sais, il n'y a pas d'autre chose. Ça ne peut pas être différent. Donc, dans votre croyance, vous avez l'impression, évidemment, vous êtes dans le jeu, vous avez l'impression que vous avez le contrôle de la vie. Puis le fait de penser que vous avez le contrôle, c'est comme, entre guillemets, logique que vous pensiez que ce qui est adverse à votre contrôle, vous devez le combattre. Hein? Vous dites, bon, ben ça, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe, donc je vais le combattre. Il s'installe dans votre petit jeu une croyance que vous avez autorité, vous avez la vérité, et que vous devez, par le fait que vous avez un contrôle, battre l'adversité. C'est juste dans un film que je vois Rambo planter 1000 soldats vietnamiens, des affaires à la main. C'est juste dans un film qu'on voit des gars qui sont tout seuls, quasiment, là, à détruire une armée avec une carabine, puis je sais pas combien ils font pour avoir une caisse de balles avec eux autres, parce que Chris, le gun, tu sais, tout le temps, il recherche jamais. Hein, c'est vrai? Fait que toi, t'as été voir des films, puis à un moment donné, Hollywood, c'est la vérité. Tu vas plus à l'école, toi, là, tu vas voir des films. Si la vie, c'est comme dans un film, tu dis, c'est comme ça que ça se passe, tu sais. Bon. Fait que tu t'établis un contrôle à un moment donné qui est basé sur des pensées imaginaires. T'imagines que la vie se passe comme ça. Puis ça devient force de loi dans ta tête. Puis à cause de cette impression d'avoir le contrôle puis de faire des choix, tu t'attaques à l'adversité. OK? L'adversité ultime, ça serait de mourir. Puis, tu crois, parce que, bon, t'es conscient, que les forces te protègent, puis que toi, t'es immortel. C'est impossible de mourir quand on est conscient. Puis, tout seul, tu vas affronter la mort. Tu t'en vas, là, et chute Niagara, tu dis, moi, le saut du Berry, là, puis en bas, il n'y a pas rien là. Moi, je suis conscient, je suis protégé, tu vas voir, ça va se faire. T'sais. Ça peut être aussi stupide que ça, réfléchir, puis d'avoir à penser tout seul qu'on a absolument raison. Dans le jeu, là, j'entends. Fait que vous avez une amplification du problème par le fait que votre système de pensée intellectuelle vous place éventuellement devant la vibration d'une réalité comme quoi vous vous êtes en train de vous tromper. Pour être plus méchant, vous fourrez la net. OK? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu commences à prendre conscience quand les idées que tu as dans ta tête, puis la réalité qui est totalement vibratoire, ton feeling ne va pas avec ta tête. Le feeling étant la vibration. Si tu n'allumes pas là, si tu n'allumes pas là au fait que tes idées ne sont pas en synchronicité avec ce que tu vibres, donc c'est physique ça, là, une vibration, là, c'est pas de la petite fumée, là. Tu le sens dans tes corps, ta cellule vibre. OK, ça va? Mais si ta tête de cochon, tes idées se mettent à penser que c'est encore plus fort que ton senti vibratoire, j'appelle pas de tes feelings parce que t'as peur que t'es en train de chier dans tes culottes. Non. Je parle de senti vibratoire. Si ça réussit pas à synchroniser, c'est là que ça commence l'initiation. Vous rentrez en initiation là. Parce que le système de pensée, l'idéologie, prend le dessus sur la vibration. Et puis là, votre « je » va essayer de donner raison à votre événementiel, dans le sens de donner raison à faire le combat avec l'événement qui est adverse à vous. Ça fait des gars qui sont dans le marché, que le marché est à l'envers. Ils sont à l'envers 2 semaines de temps, puis ils s'ostinent encore. Puis c'est tellement évident que le marché va dans le sens inverse. Puis ils s'ostinent parce qu'ils sont sûrs, idéologiquement sûrs, que ça va aller dans leur sens. Parce que l'ego va avoir du contrôle. Vous me suivez jusque-là? Bon, on parle de ça, on va parler du travail. Tu sais, ton boss n'a pas d'allure, mais tu dis non, il va changer. Tu vois ça, dans 5 ans, là, il va changer, puis en plus, grâce à moi, évidemment. Tu sais, c'est un patron qui est humain, là, dans le fond. Là, c'est juste qu'il n'a pas découvert son être intérieur. Puis, il y a des bonnes chances que tant et aussi longtemps que tu fasses le tapis, puis que tu dis oui, monsieur, puis tu y amènes son café, il y a des maudites bonnes chances qu'il ne change jamais. Parce que pourquoi changer quelque chose quand tu as le pouvoir? Tu sais. Donc là, de l'adversité, ça peut vous mettre dans un embarras incroyable. On part toujours du principe, vous êtes dans le jeu. Vous admettez, là on parle en jeu évidemment, vous admettez que vous vous êtes trompé. Là, évidemment, si vous admettez que vous êtes trompé, c'est grave, là, parce que là, ça fait des semaines, des mois, des années que vous vous battez pour que les choses se passent comme vous voulez. Vous acceptez de perdre le contrôle, et puis vous dites, ben, je remets le contrôle entre les mains de l'autre, parce qu'il est plus fort que moi, ou l'événement est plus fort que moi. Tu sais, t'arrêtes de te chauffer au bois dans ton salon, parce que la crise de verglas a duré trop longtemps. Tu te dis, bon, ben, je vais trouver une place, là, où les gens chauffent au bois, puis c'est plus grand, c'est un gymnase, parce que là, j'ai trop de boucanes dans la maison, je me vois plus. Quand je me lève le matin, je tousse. Et vous admettez de vous être trompé. C'est encore une vision de l'ego, comme quoi tu gagnes ou tu perds. Polarité. Mais tu sais, vous avez dans le jeu, vous n'avez pas de double. Fait, en n'ayant pas de double, tu te trompes ou tu gagnes. Il n'y a pas d'autre alternative. Là. Fait que là, tu admets que tu t'es trompé, puis tu te soumets à l'événement. Fait que se soumettre à l'événement, tu vas dans le sens. Ça, si je pense à mon gars qui est dans le marché. Il dit, bon, ben là, c'est clair que c'est plus fort que moi. Là. Je vais changer ma position. J'avais une position à la baisse, là, je prends une position à la hausse. Puis là, il n'y a plus de stress parce que ça monte. Et plutôt que de battre contre le courant, tu suis le courant. Là, en suivant le courant, ben, tu relâches. Mais l'effet de relâchement que tu as, tu dis, ça y est, je me bats plus. Je me sens plus vivre, je me sens mort. Tu te sens pas mort, Christ te repose. Quand tu dors, es-tu mort? Mais pour la personne, quand elle admet de se tromper puis qu'elle se soumet à l'événement, il y a un relâchement des tensions. Puis c'est vécu comme l'état d'être abattu depuis. Puis bizarrement, souvent, c'est là que ça commence à bien aller. Parce que là, en relâchant, tu prends la bonne direction. Puis tu prenais en bonne direction, bien, ça force plus. Mais en même temps, tu as l'effet psychologique d'avoir perdu puis de te soumettre. Ça, c'est à cause du jeu là, qui contrôle puis qui veut contrôler. Mais ça arrête de réfléchir. Ça réfléchit si moindrement la direction commence à changer de bord, puis qu'elle s'en va dans la direction que tu anticipais qu'il fallait qu'elle aille. Tu sais, mettons exemple, je joue le marché à la baisse, on achète des poutres là, dans le sens du stock market, puis ça peut pas monter à l'infini, là, à un moment donné, ça va revirer. Puis là, quand ça commence à revirer, parce que là, tu as lâché prise, tu te dis, bon, ben, OK, c'est correct, ça monte, ben, je vais prendre des calls d'abord. Là, tu prends des calls, ça monte, puis tu vois que tu fais des scènes. Puis là, quand ça revient, tu dis, ah, je savais, j'étais sûr, j'avais raison. Puis là, la guerre recommence. Là. Puis là, parce que ça descend, tu dis, ah, je savais, c'est moi qui avais raison. Vous êtes encore pris dans une forme, parce que vous attendez, dans le fond, vous vous soumettez juste pour éventuellement vous révolter. Tu sais, tu dis, Marie, si je continue à l'affronter, il va me battre. Puis peut-être que faut tout simplement que tu arrêtes d'affronter, que tu ne te poses pas la question. Puis arrêter de l'affronter, c'est qu'à un moment donné, quand il lâche avec parce qu'il était sur un combat, puis tu te dis, bon, je savais que j'étais capable de l'avoir. Mais là, tu lâches pas la guerre, toi, là. Tu es encore dans la recherche du contrôle. Fait que tu lâches le contrôle parce que tu vas en manger une maudite. Puis quand tu peux reprendre le contrôle, tu retombes en mode de guerre. Vous ne sortez jamais de la réflexion parce que vous n'êtes jamais capable de suivre la vague. Vous suivez la vague par dépit, par sentiment de perte de contrôle. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui fume. On vous donne un exemple. Tu vas à l'hôpital, crise cardiaque. Puis une fois sorti, tu dis, ah, bon, il me semble bien que je suis affaite plus forte que ça. Puis tu repars à fumer. Chris, tu n'as rien compris de la vie, toi, là. Tu es en train de te suicider, puis tu t'ostines avec la médecine. Chris, crève. Parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être gagner ça trois fois, quatre fois à t'ostiner. Mais il y a une place là, que là, tu seras réellement pas assez fort pour pouvoir passer à travers. Tandis qu'arrêter de te battre, le double. T'sais, on vient à la solution du double. Le double, lui, quand il voit qu'il y a un événement qui crée de l'adversité, c'est un signe qu'il faut qu'il change. C'est pas une perte, c'est un avertissement des forces par les événements ou par quelqu'un de dire, bon ben là, c'est fini, là, t'arrêtes, là, ton expérience là-dedans, là, c'est terminé, il faut que tu passes à d'autres choses. C'est simple de même, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, tu n'as pas l'impression que tu vas te reprendre plus tard. Tu es déjà en situation de dire, ben, il faut juste que je prenne une autre traque. Je m'en allais à Québec, puis finalement, je peux pas aller à Québec. Puis si je peux pas aller à Québec, c'est intelligent. Je vais regarder ça autrement. Je vais m'en aller à, je sais pas, moi, en Abitibi, tu sais. Puis là, whoop, l'Abitibi, ça va bien. Mais là, tu dis pas, j'ai manqué Québec. C'est le double qui t'a mis. Un obstacle, tu as lu dans l'obstacle qu'il fallait que tu prennes une autre direction, puis c'est tout. Point final. Vous voyez que les gens qui réfléchissent, c'est des gens qui veulent dominer. La réflexion est très, très, très, très, très forte dans les gens dominateurs. Même si vous avez des gens là qu'ils pèsent 90 livres, ils ont l'air de rien, ils ne sont pas dangereux pour personne. Une personne qui est bien bien vulnérable en apparence, puis qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, c'est une personne qui veut dominer. Parce que la base même de la domination, c'est la raison. C'est la recherche de la raison. Tu veux avoir raison sur quelque chose. Et puis c'est bien évident, tant aussi longtemps que l'individu pense qu'il pense, donc il est dans le jeu, que ses croyances, il veut les imposer à son environnement. Il veut se les imposer à soi-même, ça va de soi. Puis il va avoir des succès dans sa croyance. Mais il y a des choses, tu peux avoir un succès pour toi-même, puis ça se transmet pas à personne, là. Tu sais, tu peux avoir raison. Moi, je peux avoir raison de m'amuser en moto, puis un autre qui a raison de s'amuser à faire de la peinture. C'est deux raisons différentes, mais moi, j'arrive à quelqu'un qui fait de la peinture, là, puis qui a besoin de se sentir bien, bien relax pour tenir son pinceau, puis je dis, viens donc faire une ride de moto. Puis là, quand t'as des bacs du bicycle, surtout avec moi, là, un raid sur le pinceau un petit peu, là. Ben, si un raid sur le pinceau, peut-être qu'il n'est pas fait pour faire de la moto. Ça la relâche pas, faire de la moto. Donc, ça me sert à rien de vendre cette idée-là à la personne, parce que ça va la mettre en conflit avec ce qu'elle aime beaucoup, qui est de faire de la peinture. Puis moi, si elle me fait faire de la peinture, je peux trouver que je perds du focus quand j'arrive sur la moto, parce que je suis trop relax, je suis trop détendu, puis il faut que je sois concentré, tendu, pour pouvoir faire face à l'adversité de tout ce qui se passe sur la route. Fait que, on peut comprendre facilement qu'une personne qui est dans l'ego, donc qui est dans un processus de réflexion, cherche à s'imposer une raison, à discipliner un raisonnement, puis à avoir l'impression d'une intelligence par le phénomène de « j'ai raison, les événements me le démontrent, j'ai raison, il y a quelqu'un qui me croit, j'ai raison, et puis j'ai X résultats financiers, etc. » Puis ça, à ce moment-là, quand tu vis cette vie-là sur une base de perception de contrôle, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexion parce que tu cherches à pas te tromper, tu cherches à toujours grabber l'avantage de la vie, tu prends pas tes pertes, incapable de dealer avec le rejet, puis en étant incapable de dealer avec le rejet, bien, c'est le rejet étant une protection en passant, là, quand vous faites rejeter, on vous enlève des choses que vous ne contenez pas. Moi, si un environnement me rejette, j'aime autant être rejeté que d'être obligé de composer avec une adversité. Ça brûle, ça, de l'adversité. La personne te rejette, puis tu t'ostines à vouloir te faire aimer. La personne, elle veut pas t'aimer parce qu'elle ne te contient pas, elle t'aime pas. Elle t'aime pas, Christ. Tu n'as pas besoin de te poser plus de questions que ça. Elle t'aime pas. Le monde ne vient pas au monde t'aimer. Vous n'êtes pas venu au monde m'aimer. Hein? Faut que je vous donne quelque chose que vous aimez. Puis là, vous allez dire, bon, ben lui, c'est une bonne machine distributrice. Il distribue bien quelque chose que j'aime vivre. Mais il n'y a personne qui est obligé de vous aimer. Fait que conséquemment, si je ne rentre pas dans l'affaire de forcer les gens à m'aimer, j'ai pas de tension. Mais les gens qui veulent absolument se faire aimer, là, absolument, là, c'est maladif, obsessif, là. C'est du monde qui sont en déception constante, tout le temps malades, sont toujours en conflit avec ce que l'autre veut vivre comme liberté, parce que si l'autre est libre, ils sont pénalisés. Hey, un instant, là, ça, puis mettre quelqu'un à ton service, à tes pieds, à ta chaperon de chaîne, là, c'est à peu près pareil. Avec le contrôle devenant excessif, la personne réfléchit beaucoup sur tout ce qui échappe, tout ce qu'elle peut perdre, tout ce qui peut élever, faire vivre du rejet, puis elle est malheureuse tout le temps. Il n'y a jamais d'espace quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux, puis qui est comparatif. Jamais il y a du repos. C'est des gens qui sont malades tout le temps. Et malades émotionnellement surtout, puis éventuellement intellectuellement, parce qu'ils cherchent des raisons logiques, idéologiques, pour imposer l'esclavage autour d'eux autres. Parce que c'est des dominateurs. Puis admettre de se tromper, pour ces gens-là, c'est la seule soupape de sécurité qui lui reste avant, premièrement, de tomber malade. Parce que si tu tombes malade, là, quelqu'un qui n'est pas capable de composer avec le rejet puis l'adversité, c'est des êtres qui sont malades puis chroniques en plus, avec le temps. Là, ça va peut prendre 20 ans avant que le dégât se fasse dans le corps puis dans la cellule, mais c'est inévitable. Admettre de se tromper, c'est déjà se guérir. Plutôt que vous mettre à l'homéopathie, là, mettez-vous à l'affaire d'accepter le rejet, puis ça va être plus efficace encore. Et ça va vous guérir mieux. Puis de se soumettre à l'événement, bien, c'est simplement apprendre à lire qu'il y a peut-être des affaires plus intelligentes que vous autres. Puis que même si l'événement est négatif, comprendre pourquoi c'est négatif. Des fois, c'est pas de votre faute, c'est négatif. Ça peut être les courants, les planètes. Il y a des affaires qui se passent, moi, sur mon computer, puis je vous jure, c'est pas de ma faute. C'est carrément parce qu'il y a une éclipse, c'est carrément parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air, qui est en dehors de ce que la science est capable de contenir ou de contrôler. Puis là, j'essaie pas de dire, ah, j'ai fait une erreur de pilotage sur ma souris ou sur mon computer. Je regarde pourquoi ça se passe. Puis il y a toujours une raison, tout le temps. Mais ça, déjà, c'est être dans le développement. Quelqu'un qui commence à vouloir comprendre pourquoi le mal se place dans sa vie, c'est une grosse, grosse, grosse marche à monter. Que si vous êtes capable de le monter, bien, vous êtes capable de rentrer dans le développement. Puis ça, rentrer dans le développement, c'est comme commencer à laisser passer la vibration pour que la vibration s'attaque à vos peurs. Écoutez, il ne faut pas le nier, vous êtes conditionné. Vous êtes venu sur une planète, vous avez eu des parents, vous avez été dans une culture pour des gens qui ont passé 40 quelques années, ils ont été à la messe, hein? Fait qu'ils ont, ils ont été à la messe, ils ont été là devant le bénitier, puis ils demandaient des affaires à Dieu, puis nous autres, on demande des affaires au Père Noël. Les jeunes, je ne sais plus à qui ils demandent ça, là. Ah non, ils demandent ça à Walmart. Ils vont chez Walmart, ils prennent de quoi, puis ils le retournent dans une semaine. Ça, c'est l'équivalent du Père Noël, ça, à peu près, pour nous autres, hein? Sérieusement, là. Mais ils ne peuvent pas rien, mais il y a une structure économique qui donne des cartes de crédit faciles. Fait que c'est pas pire. Mais en tout cas, anyway, la solution ultime vis-à-vis du phénomène de la réflexion, c'est d'être capable de voir que la vibration, premièrement, elle est universelle. Tu sais, c'est pas genre toi, t'as le contact, puis personne n'aura sur la planète, tu vas être le seul sur la planète. Non, ça marche pas de même. Il y a personne qui sont tout seul à avoir l'accès à cette énergie dite universelle. Puis même si vous dites, genre, ouais, mais j'ai connu quelqu'un qui était fusionné, ça vous interdit pas, sans vivre la fusion ultime, là, ça vous interdit pas d'avoir accès à la vibration. Tout le monde a accès à la vibration. Moi, j'étais avec du monde, des fois, dans des restaurants, ils savent même pas que c'est pas eux autres qui pensent, puis des fois, ils sont sur la vibration, puis je suis capable de reconnaître la vibration. C'est ceux qui peuvent pas savoir qu'ils sont sur la vibration. Moi, je le reconnais parce que je suis habitué de lire ça. Mais, Quand les forces se servent de leur tête pour m'envoyer un message, j'écoute pareil comme si ça me passait dans ma propre tête. Fait que tout le monde a accès à la vibration. Excepté que quelqu'un qui ne sait pas comment reconnaître la vibration, essentiellement parce qu'il prendrait comme du pouvoir avec ça, comme d'ailleurs ceux qui pensent qu'ils ont une vibration finissent par penser qu'ils ont du pouvoir, bien, c'est sûr que quand vous avez accès à la vibration, bien, vous êtes plus apte à composer avec les événements que l'ego, lui, a la tendance à penser qu'il se soumet. Bien, moi, où une personne va se soumettre par rapport à un événement, moi, je vais avoir le contact qui me dit « il faut que tu fasses ça parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses ». Tu sais? Moi, si on me dit le matin « tu prends pas ta moto », je prends pas ma moto. Là, quelqu'un de l'extérieur qui est dans l'ego, qui pense contrôle, va dire « hey, tu te fais dominer, là ». Non, non, je me fais pas dominer, il y a quelque chose qui sait que si je prends ma moto, je suis en danger. Fait que, ben oui, mais tu peux pas le savoir tant que tu t'es pas dessus. Si t'es une affaire, j'ai pas le goût de prendre de chance. Ça se comprend-tu, ça? Il y a pas d'essai avec les forces. Les forces, là, s'ils te le disent puis tu le fais pas, c'est ça que tu vas manger comme volée. Financièrement, émotionnellement, socialement, peu importe. Il n'y a pas de risque à prendre avec une vibration. Une vibration, là, c'est une grosse bourrasque de vent. Là. Quand elle pousse, il n'y a pas de peut-être là-dedans. Fait que, mais ça, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Moi, je le sais, la titre. Mais quelqu'un qui a accès à la vibration, à un moment donné, il apprend à lire la vibration, puis il sait que c'est du cash. Ce n'est pas une carte de crédit, cette affaire-là. Là. Ça paye tout de suite. Là. C'est toujours tout de suite. Puis si tu ne suis pas là, t'es dans l'expérience, c'est final. Puis t'as pas une heure pour penser. Ça se réfléchit pas une vibration. D'ailleurs, le réfléchir, ça la détruit, la vibration. Ça détruit pas la vibration en soi, mais ça détruit ta capacité d'agir, sa vibration. OK? Fait que, conséquemment, la réflexion rentre parce que tu tombes dans un processus d'adversité plutôt que dans un processus de moulage à l'événement. Tu te moules à l'événement. Se mouler à l'événement par la vibration, c'est la solution ultime, comme j'ai dit. Parce que tu en arrives à plus penser des pensées en jeu, donc tu ne peux plus penser avoir de contrôle, donc tu ne peux plus penser en système de valeur. Fait que tu peux te pogner avec quelqu'un là, tu sais, pour la décapiter, puis le lendemain, les forces te disent rappelle la personne. Puis là, t'exécutes là, parce que c'est pas toi qui penses. Puis tu sais, il faut que ça se passe parce que ils se trompent jamais, eux autres. Pas parce qu'ils se trompent jamais, parce qu'ils sont en. Ils veulent te montrer que tu es un petit poids, là. Ils se trompent jamais, point, parce que c'est la vie. OK? Là, tu rappelles, puis là, oups, ça règle quelque chose que tu n'aurais jamais pensé égoïquement que ça se réglerait. Parce que les forces, eux autres, savent des choses que toi, tu ne sais pas. Ton ego, il ne voit rien. Tu es un aveugle. Au mieux, un borgne. Et que là, ils te sortent de ton aveuglement, puis ils te disent, bon, ben là, gars, tu vois, là, ça, là, la rancune, là, faut que ça soit éliminé. Ça, là, la jalousie, faut que ça soit éliminé. Puis ça, ta. Fait qu'ils créent ou ils composent des événements pour te faire rentrer dans une prise de conscience, surtout de voir que de l'adversité, puis un raisonnement normal, c'est pas toujours intelligent. Un raisonnement, oubliez-la pas celle-là, là. Un raisonnement normal n'est pas toujours intelligent. Tu sais, quelqu'un te fait une faute, là, il t'affronte pour une raison quelconque, puis t'es pas capable de lire le mal, puis t'es pas capable de voir que le mal qui te sert comme dessert, c'est essentiel pour ton avancement. Il y a combien de femmes qui sont pas capables d'élire avec l'autorité? Puis là, ils vont dire, maudits hommes. Écoute bien, Chris. Si un gars respecte un autre homme, c'est parce qu'il réussit à sentir dans la dynamique de l'autre homme un pouvoir et une autorité. Fait que toi, si tu t'empognes avec ton mari, peut-être que tu n'es pas capable d'avoir la force et la densité, donc l'autorité qu'il faut pour aller chercher son respect, parce que lui, il ne respecte qu'une grosse vibration. Puis tu n'es pas obligé de peser 400 livres pour te faire respecter. C'est pas une affaire d'avoir une tape sur la gueule, là. C'est une affaire de dégager une vibration qui te met en autorité. Ton chum, il te respecte pas parce que tu l'as pas, la vibration. Pas parce que ton raisonnement est pas bon. C'est parce que tu l'as pas, cette vibration-là. T'as cette vibration-là, le gars, il se sent à côté, il respecte. Hein? C'est simple. Mais là, la femme a dit, là, si je suis obligé de faire la guerre. Mais c'est ça, t'es obligé de faire la guerre. Mais il faut que tu comprennes ta guerre comme une expérience pour te donner de la densité et de l'autorité. Pas obligé de penser au divorce pour autant, là. Il y a bien des divorces qui se régleraient si les femmes auraient plus de puissance puis d'impact devant de l'autorité. Puis tu sais, tu vas dire c'est un homme. Un homme, c'est parce que c'est une machine de guerre, il n'y a pas le choix. Mais les femmes aujourd'hui, ils sont rendues des machines de guerre. Fait qu'une femme peut même dire à une autre femme, tu me domines. C'est sûr, parce qu'il y en a une qui a appris de la densité, puis l'autre, elle n'a pas pris de la densité. Fait que c'est pas une affaire d'homme puis de femme, c'est une affaire qu'il y a des êtres qui sont assez denses pour avoir du pouvoir, de l'autorité sur la forme, parce qu'ils sont capables de faire face à de l'adversité. Il y a un CD que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est lequel, là? Je crée un mode de vie. Je dis, le mal bâtit votre volonté, puis le bien bâtit votre intelligence. Christ, si vous êtes toujours en train de refuser le mal, vous n'aurez jamais de volonté dans la vie. Le mal, faut que tu l'absorbes pour le dépasser. C'est ça qui donne la quille. Il n'y a personne dans sa vie qui va avoir un quelconque bien-être ou de paix dans l'existence s'il ne fait pas face au mal. Vous voulez juste être intelligent, vous autres. Ça ne vaut pas une claque, ça, là. Intelligent, là, c'est comme des plantes à l'hydroponique. Un petit vent, puis pouf, la plante se couche. Dans l'eau. Il n'y a rien là, ça n'a pas de terre, ça n'a pas de ground. Mais tu vis du mal, là, tu regardes du monde qui a du torque dans la vie, là, un gars comme moi qui a du torque, ou un gars comme Bernard qui a du torque, on a-tu bavé, tu penses? Puis c'est ça qui nous a donné notre force. Puis tu es aussi indestructible que tu fais face à la destruction. Mais comment tu veux être indestructible si devant la destruction potentielle, tu n'es pas capable de te mettre debout? Tu vas tout quoi? Tu vas parler, tu vas penser, tu vas être intelligent, tu vas chercher à ce que les gens soient bien. Voyons donc, ça ne marche pas de même. Je vous le dis. Tu crées un mode de vie. Vous voulez vous créer un mode de vie? Donnez-vous de la quille. Pas juste ça, là, parce que juste la volonté, ça finit que c'est pas bien ben subtil. Ça manque de subtilité, ça manque d'intelligence. Il faut les deux. Puis l'amour, ça vient après. Avec l'amour, ça vient pas avant. Tu n'as pas avant de l'amour. Puis après ça, de la volonté et de l'intelligence. Oubliez ça. C'est la volonté, de l'intelligence, puis l'amour après, comme conséquence. L'amour, c'est une conséquence de l'harmonisation de la volonté et de l'intelligence. Quelqu'un me dit, tu m'aimes-tu? Je sais pas, faudrait faire quelque chose ensemble. On va te le dire après. Combien de temps? Assez longtemps. Je veux voir qu'est-ce que t'as dans les culottes. Pas dans le sens sexuel du terme, là, mais dans le sens de force, de pouvoir, de contenance devant des crises. Je regarde du monde qui sont dans le désir par ses oreilles, qui confondent ça avec l'amour. Puis, on va te dire, ça fait des raids drôles, le fun, émotionnellement viable, mais ça fait pas des aides qui sont capables de se libérer de la réflexion parce que ils en arrivent tout le temps à se demander si l'autre est vraiment de leur bord, s'ils sont vraiment en accompagnement ou si c'est en zone d'adversité. Puis, sais-tu que quand un événement teste votre solidarité, c'est là que vous savez s'il y a de l'amour. Tu sais, il y a plein d'événements dans la vie qu'on est obligé de faire face, puis que tout seul, on n'est pas capable de faire face à ça. Il faut que tu sois... Faut que tu aies un padding. Faut que tu aies de l'enveloppe. Moi, j'appelle ça avoir de l'enveloppe. Puis si tu n'as pas d'enveloppe pour y faire face, tu vas écraser. C'est là, quand tu es avec du monde, là, c'est là que tu sais si ça aime. Mais pour que ça aime, il faut que ça soit non seulement intelligent, mais il faut que ça soit à côté sur de la volonté. C'est quoi de la volonté? C'est que, justement, quand il y en a un obstacle, l'autre lâche pas. Ça craque pas. Facile à comprendre, ça. Le double. Tu prends le double. Moi, ils me pluguent, là. Je suis plugué, là. Puis, ils vont me dire, tu fais ça. Hey, j'ai pas le goût de faire ça. Tu fais ça. Tu sais, je suis couché, mettons, là. Puis, il y a un chat qui me réveille, là. J'ai pas le goût de me lever. Puis là, ils me disent, c'est nous autres qui envoyons le chat te lever. Ah, oh, come on. Là. Je dors bien. Je vais relaxer. Tu te lèves. OK. Là, tu te lèves. Puis là, finalement, en te levant, oups, il y a un téléphone. J'aurais été couché, j'aurais été au téléphone, j'aurais eu de l'air d'un gars qui dort. Puis en étant levé, bien, le fait d'être en vertical, ça fait un gars qui a une meilleure voix au téléphone. Ils savaient tout ça, eux autres. Ils envoient le chat, puis ta-ta-ta. Toi, tu dis c'est le chat, mais à un moment donné, tu dis, oups, c'est les forces à travers l'événement qui fait que je suis obligé de faire quelque chose. Si tu es habitué d'obéir à ces petites niaiseries-là, là, ça arrive que des grosses niaiseries, là, les gros événements, là, t'es capable de, quick, changer quelque chose.